300 BPM. Ah oui, là c'est pire que le disco là. Ah mais là c'est nul. On n'entend même pas ce que tu joues là. Ça, chez moi c'est tout accéléré quoi. Sinon, quoi de neuf ?